Je relance. Chanson. Call it magic, call it true. Hey, tu vas me faire un petit solo de synthé. Attends, je voulais refaire celui-là. Attends, je remets un petit coup celui-là. Et après, j'arrête. Je remets l'autre après, je passe à ça. Ah putain, ça déconne. Là, j'ai un problème avec la connexion.